Ici Marc Lalande. Dans quelques instants va commencer la première mi-temps du grand match qui va opposer, sur le terrain du Parc des Princes, les deux équipes sélectionnées pour la Coupe de France. Allons-nous assister à la victoire ou à la défaite de la célèbre équipe de Bordeaux dont tout le monde connaît la valeur? Eh bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, l'appareil est en panne. Monsieur Lanvin! Oui? Votre appareil est en panne. Lequel? Le téléviseur. Oh, ça ne m'étonne pas. Il tombe en panne sans arrêt. Vous comprenez, avec tous ces boutons, toutes ces touches, ce n'est pas étonnant. Et le match? Bah, vous lirez les résultats dans le journal de demain. Ça alors? En attendant, buvons quelque chose, Paul. Je meurs de soif.